Potelon. Deuxième question. Deuxième réponse. Quand est-ce qu'on fait les nerfs? Ne pas faire d'enfant est-elle la réaction de celui qui ne veut plus investir à long terme parce qu'il ne croit plus avoir d'avenir d'aucune sorte? Bon. Là, il faut éliminer évidemment ceux qui sont stériles. Ça va être déjà, ils ne peuvent pas faire d'enfant. Ne pas faire d'enfant est une réaction à l'évolution. Quand on ne fait pas d'enfant, on réduit énormément son potentiel réincarnationnel. Le père, la mère se réincarnent de leur vivant dans leurs enfants. Et étant donné que normalement on a des enfants à trop bas âge, c'est-à-dire qu'on est encore un peu jeune lorsqu'on a des enfants, notre évolution n'étant pas suffisamment cellularisée, codée dans notre code génétique, elle n'est à peu près pas transmise à nos enfants. Et comme nous allons vivre 40, 50 ou 60 ans après, et là nous allons nous parfaire, nous devrons transmettre notre évolution par l'éducation à nos enfants. La majorité des jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants en auront sans doute dans 10 ans, 15 ans. Et ces enfants-là seront beaucoup plus teflon, beaucoup plus puissants que la majorité de ce que nous avons été nous. Maintenant, celui qui ne fait pas d'enfant peut se réincarner quand même dans ses lignées familiales, dans celles qui l'attendent en avant. Il y a beaucoup de raisons. Et oh, il y en a un bon paquet. Ce serait quoi l'âge idéal pour procréer? Ben, l'âge idéal pour procréer, pour la femme, c'est avant 40 ans. À cause de certains problèmes biologiques. Mais sinon, ça peut aller jusqu'à la ménopause, il n'y a pas de problème. Sauf qu'après 40 ans, il y a une chance plus grande d'avoir des enfants qui auront un chromosome de trop et qui risqueraient d'être mongols. Donc, remarquez qu'on a beaucoup de petits mongols de rhumatisme. Et puis pour le mâle, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça va jusqu'à temps qu'il ne puisse plus se lever. Tant que ça marche. C'est ça. Ne pas faire d'enfant est une réaction de celui qui ne veut plus investir à long terme parce qu'il ne peut plus avoir, il ne croit pas avoir d'avenir d'aucune sorte. Évidemment, c'est aussi énormément cela. À quoi ça sert de mettre un enfant au monde s'il est pour disparaître dans la prochaine guerre? Donc, à quoi ça sert de se réincarner de notre vivant dans un corps physique qui va mourir en même temps que nous autres? Une question inconsciente, une question plus loin, mais n'empêche. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne veulent pas mettre d'enfants au monde, pas dans cette société-là. Alors que c'est possiblement la plus belle société qui a existé sur la Terre. Alors, quand je te disais que le potentiel, à un moment donné, quand t'es rendu bien trop beau, il t'en faut en Christie pour que tu trouves que ça s'est amélioré. Parce qu'à l'époque de Napoléon, on en faisait des enfants. À l'époque de la récession, on en faisait des enfants. À l'époque de Genghis Khan, on en faisait. À l'époque de toutes les époques, on en a fait. Puis il y en a eu des problèmes. Au Japon, on en faisait. Et puis quand Shogun disait « Va-t'en, tue-toi », il se tuait. Puis pas toujours dans un seppuku, bien souvent dans un harakiri. Dégueulasse. Alors, aujourd'hui, c'est génial, génial. On a la liberté de parole ici. En Russie, on en fait des enfants, n'est-ce pas? Au Guatemala, on en fait des enfants. Dans tous les pays en voie du développement, on en fait plein d'enfants. Pas de télévision, pas de système de son, on en fait des enfants pour s'occuper. Il y en a en masse. Mais où, ici, où nous sommes dans le luxe, dans le confort, dans la meilleure société? Ah, là, non, on n'en fait plus. C'est rendu de potentiel. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai passé. Ce n'est pas une conférence sur la procréation, mais n'empêche que l'individu pressent que l'avenir n'est pas comme son ego l'aimerait. On devrait procréer un peu plus. C'est pas l'esprit qui nous, ou l'ego qui nous dit qu'on arrive... C'est l'esprit d'ego. Qu'on arrive à l'apothéose et puis que de toute façon, il reste plus grand-chose de beau. À l'apocalypse. Voilà, à l'apothéose, Adam, oui. Oui, l'apothéose vient après l'apocalypse. Non, mais l'humain devrait procréer un peu plus, sauf qu'il y a des raisons pour l'humain qui sont logiques. Ça ne sert à rien de procréer pour l'instant. Pourquoi? Parce que l'humain est capable de cellulariser comme il n'a jamais cellularisé. Le Québécois surtout. Donc, il mettra au monde des enfants dans quelques années, des enfants qui seront biologiquement beaucoup plus puissants. Donc, neuroniquement et endocrinalement, beaucoup plus puissants. Cela va faire en sorte que ces enfants-là seront... L'enfant Teflon est un enfant qui s'identifie. C'est une espèce d'adulte décubé dans un corps de jeune. Il est extrêmement intelligent. Les prochains enfants, la prochaine vague, pour juste en cause d'une panne de courant, là, la prochaine vague réelle de naissance, va donner des enfants qui seront Si la société n'est pas prête, ça va donner des enfants qui vont totalement détruire ce qui reste de la société. Si la société est prête, ça va donner des enfants qui vont être capables de devenir nos alliés. Je ne veux pas, les enfants ne sont pas l'allié des adultes. Les enfants sont en guerre contre les adultes. C'est une petite exception comme ça. Il y a encore aussi des enfants anciens. Mais l'enfant nouveau, l'enfant Breslon, vit une guerre totale contre le système, contre la société, contre la matière, contre l'argent, contre le manque d'argent, contre ses parents, contre les professeurs, contre le système, contre la vie. Et si la société ne change pas, elle devra changer. À un moment donné, il y a des gens qui vont dire oui pour que ça change. Mais si la société ne s'adapte pas suffisamment au Teflon, c'est-à-dire à un enfant qui ne peut pas connaître le monde à partir du vieux, à partir du passé, à partir des archétypes, mais qui ne veut, parce qu'il ne peut faire autrement que de connaître le monde à partir de néotypes, de nouvelles formes, à partir de choses neuves, à partir d'une vision différente, et non pas à partir d'une vision émotive, si la société n'est pas prête à leur donner des réponses qui seront intelligentiables, non pas incraisonnables, ces jeunes-là, à un moment donné, ils vont tout à fait démolir la société. La première façon de démolir une société, c'est par le suicide collectif. On approche du 7 suicides par jour de jeunes au Québec. Et quand il y en aura de plus en plus, ben, vous ne pouvez pas, ça va créer un stress social total. Les immigrants qui viennent au Québec, je l'ai déjà expliqué dans le Québécois ne reste à part une conférence, la majorité des immigrants qui viennent au Québec, ce sont des Québécois. Ils sont venus au monde ailleurs. Mais les parents qui viennent sont peut-être très anciens, mais les enfants qu'ils amènent avec eux sont souvent teflons aussi. Alors que dans leur pays, ce sera en majorité des enfants anciens. Mais les enfants, ceux qui sont importés ici, ceux qui migrent ici, sont souvent teflons aussi. Ça ne va donc rien changer. On va aller vers, comme j'explique dans un des livres, il y a eu la libération de l'homme. À l'époque ardienne, il y a eu la libération de la femme. C'est fini, il y aura encore des femmes qui ne sont pas mieux que les autres, mais quand même, la libération de la femme. Et il y aura la libération de l'enfant. Et celui-là, elle sera terrible, parce que la femme, elle a commencé à se libérer quand elle est devenue un peu plus sans cœur. Au début de l'homme, elle se foutait des enfants, elle se foutait de la maison, elle se foutait du pâté chinois, elle se foutait, elle allait travailler. Elle devenait plus égoïsée. Donc, elle était plus informée, plus évoluée. C'était mieux. Mais pas pour le bonhomme, c'était mieux. L'enfant, lui, est en avance du point de vue de l'animotivité, de l'absence d'émotion, de l'anégoïsation, de l'absence d'ego, de l'absence de souffrance, de l'absence de culpabilité, de l'absence de honte, de l'absence de plusieurs choses. Quand une vague d'enfants va décider de reformer le système, il va commencer par faire ce que l'humain qui n'est pas encore ajusté fait, il détruit. Après ça, il regrette. Après ça, il rebâtit. Mais il ne rebâtira pas comme tout le temps. On se parie, c'est assez intéressant. En rapport avec le titre de la conférence de ce soir, l'enfant, lui, il paye pour les actes. Il refuse de payer. Bon, voilà. Comment ne pas payer pour ses actes? Autrement dit, comment ne pas souffrir? Il y a deux réponses. Deux uniques réponses. L'enfant teflon peut adopter une ou l'autre. La première, pour cesser de souffrir, c'est simple. Cesser de reluer. Ben simple. Avant que je vois tout ça, puis que je cherche tout ça, je souffrais bien moins. C'est exact. C'est pas le choix. Alors, la première manière de cesser de payer, c'est cesser de payer, cesser de souffrir, cesser d'évoluer. L'enfant teflon cesse de souffrir comment? Il se drogue, il s'alcoolise, ou il écoute de la musique, etc. Ça tue la tête. Bon. Il y a aussi une autre réponse pour cesser de souffrir. Sans cesser d'évoluer, c'est de cesser de souffrir. Et c'est pas un jeu de mots, c'est pas... Souffre, cesse d'évoluer. Souffre, cesse de souffrir. Et l'enfant teflon, si lui, c'est un de ceux qui cesse de souffrir, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est un émotif, il est un égoïste. Il va tuer son chat pour voir ce qu'il y a dedans. Puis il n'en souffre pas. Puis il aime son chat pareil. Il n'y a pas de relation. Puis tu peux donc pas le faire souffrir par l'émotivité. Tu ne peux pas le manipuler par l'émotivité. Tu ne peux pas le culpabiliser. L'enfant teflon devient extrêmement risible. Je disais qu'il y a des enfants transitifs qui sont entre les deux. Il y a des symptômes transitifs de l'enfant nouveau, des symptômes de l'enfant ancien. Bon, ils sont entre les deux. Mais c'est évident que c'est la seule façon, si vous voulez ne plus payer, cesser de souffrir. À un moment donné, en 80, une conférence sur un symposium sur la paix, on me posait une question, c'est comment être en paix. Alors, j'ai répondu qu'un grand sourire, soyez en paix. Bon. Ça le fait applaudir les gens. Habituellement, quand on donne la réalité pure, ça fait à peu près juste ça, les gens, la télé. Ils font du bon. Ça s'arrête là. Alors, depuis ce temps-là, ben, je fais des conférences où je mets énormément d'heures de mots pour qu'ils ne tapent pas des mains. Puis là, normalement, ils ont plus de matériel. Ils peuvent appliquer la fatigue. Cesse d'évoluer. L'être humain manipulé. Ceux qui ont commencé sont faits à l'os. Ils ne peuvent pas évoluer. Niet. Ou alors, cesse de souffrir. Comment? En continuant à évoluer. Donc, en continuant à souffrir. Oui. La souffrance, j'ai expliqué, c'est comme bien les choses dans un tableau à un moment donné. On évolue. On commence à souffrir. On évolue, on souffre plus. On évolue, on souffre en maudit. On évolue, on souffre, on a de la misère. Le petit peu qui manque, bien souvent, l'humain arrête là. J'appelle ça là, l'écœurement de l'écœurement. Après l'écœurement, il y a quelque chose. C'est ça qu'il faut aller chercher. Mais qu'est-ce qui arrive bien souvent, c'est ce qui les tripote, les neurones, ce qui nous joue, ce qui joue avec nous autres. Il t'écœure, il t'écœure, il t'écœure. Puis là, quand tu... Il te lâche un peu. Puis là, tu rebattes. T'as mieux. Fait que t'as pas passé le cap. Alors, on est comme si on se faisait réchauffer, puis on arrive juste à la courbe, puis juste avant de traverser. Et on redescend. Alors, quand on est suffisamment écœuré de notre emploi, qu'on va le lâcher, c'est tout ce qu'il faut faire. Mais là, on vient se faire augmenter de 5 piastres par semaine. Jusqu'à... Fait qu'on reste. Vous auriez fait encore. Quand on est écœuré de toutes les choses, ben là, là, on va finir par, tu prépares tout que moi, tu vas le faire, puis là, tu rencontres la personne, puis pour la première fois de sa vie, elle te sourit quand elle te voit. Puis là, faut se permettre d'aller chercher le petit peu de souffrance qui nous manque sans personne. Ce petit peu de souffrance-là, il est essentiel. Pénible à aller chercher, c'est de la souffrance. Se supporte plus soi-même. Là, je dis des mots, bon. C'est applicable, ça se fait. Des fois, il faut un peu plus d'énergie. En relation humaine, on appelle ça des coupures au cul. Alors, moi, je les coupure au cerveau. Ça donne énergie. Il faut être capable de se supporter. Il faut comprendre qu'on ne fait jamais d'erreur. Jamais d'erreur, on est manipulé. Si vous auriez su que c'était une erreur, vous n'auriez pas faite, vous n'avez pas fait d'erreur. Et parce que vous l'auriez pu. Puisqu'ilpabilisé, on ne fait jamais d'erreur. Faut totalement bien conscientiser qu'on est deux habitants par corps physique. Le carafe qui va souffrir. Parce que lui se rend compte qu'il est en train de perdre. À un moment donné, tout ce qui est désorganisé, chez vous va mourir. Le double antium va être expulsé ou digéré. Il va rester l'intelligence. Sans la culpabilité, sans la haine, sans la honte, sans la gêne, sans aucune forme d'émotivité. Il vous restez le sentiment d'être capable de raisonner à une fleur. Vous ne souffrirez pas qu'on la détruise. Alors, quand l'humain va se payer le luxe de souffrir un peu plus, d'accepter qu'il est manipulé, d'accepter l'agression de tout le monde autour de soi pour nous empêcher d'avancer puis de continuer malgré tout à avancer. Est-ce que c'est accepter ou tolérer? Ah, c'est tolérer. On le tolère. Quand on est assez fort, on va s'en aller, ils vont s'en aller, ou ils vont se transformer. Mais on ne les transformera pas. Nuance. Celui qui veut traverser, là, il ne se missionne pas à sauver l'humanité. Il traverse. Ceux qui veulent le suivre devront passer par un certain cap, les autres avec, pas le caractère. Sinon, ils vont s'en aller, ça va finir comme ça. Il y a énormément de changements. L'humain doit arracher une peau. Pas se laver. Arracher une peau. Quand il aura arraché sa peau, il ne sera plus un humain. Moi, des gants. Il sera plus un humain. Bon. Quand l'humain va avoir arraché sa peau, il ne sera plus un humain, effectivement. Il ne sera plus un humain, il ne sera pas un extraterrestre. Il va être un surhomme, une surfemme. C'est pas surfait. C'est ça. Lui, il va s'en aller quelque part. Puis il y a un autobus qui va passer à côté, puis qui va piler dans une flaque d'eau, puis ça va arroser tout le monde qui est dans ce trottoir. Ça va tout chialer, sauf un. On va dire, ouais, du point de vue de l'animal humain, lui, il ressemble au fou. Mais c'est pas normal. Il devrait chialer. Normal de chialer. Pas intelligent, mais normal. Quand il va arriver en retard, parce que n'importe quoi, il va arriver en retard, quand il veut se coucher, il s'en va se coucher, il n'y a personne qui va lui dire que c'est un cassé de party ou qu'il devrait rester ou qu'il... non. Puis lentement, les gens vont soit plus rester avec, soit dire, « Oh non, non, laisse-le, il est de même. » Ils vont vous laisser libre. Mais lui, il est un surhomme ou une surfemme. Il perd tout. Il perd tout. Il recommence. De toute façon, ça marche de même. Jusqu'à temps que, quand l'autobus va passer, on va arroser tout le monde. Sauf un. Comment ça va se faire que lui ne sera pas mouillé? Le rationnel va dire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est passant de la vendue juste quand l'eau passait. Là, c'est pas parce qu'il est évolué, là. Mais non, je sais. C'est pas parce qu'il est évolué. Mais il est sec. Lui. Ben simple. Son automobile n'a plus de crevaison. Mais non, c'est sûr, mais c'est à cause que. Il y aura des à cause que. Une chose qui sera sûre, c'est que celui où tout va bien, c'est plus l'autre, toi. C'est juste ça qui va changer. J'expliquais à un moment donné à des séminaristes, quand je sors, ben, s'il n'y a pas de neige sur mon automobile, quand il neige, c'est normal. Mon char, mon auto, moi, il ne devrait pas avoir de neige dessus. Je ne sais pas, j'ai autre chose à faire que ça. Comment d'abord l'intelligence fait qu'il n'y a pas de neige sur ton auto? Je m'en fous comment qu'elle fait sur la chaleur de mon automobile, la neige tombe à côté. Moi, mais si quelqu'un le regarde, là, il va être paniqué raide. Alors, il va neiger sur mon auto. Puis, il y a quelqu'un qui va balayer mon char en balayant le sien. Puis là, ben, quand je suis sorti ce soir-là, c'est ce qui est arrivé. Il y en a un qui l'aime jouer un tour. Il a fait balayer mon char. Il m'a montré qu'il neigeait pas sur mon char. Ben, il n'y a pas de neige. Je me fous qu'il y ait neige. Il n'y a pas de neige dessus. C'est ce qui m'intéresse. Quand l'être humain évolue, c'est ce qui se passe. C'est pas des affaires miraculeuses aussi ou ça. Ben, c'est miraculeux, comme on voudra. Mais une chose certaine, c'est qu'il vient à un moment donné où il y en a trois qui tombent sur la glace, il y en a un qui tombe pas. Mais ce coup-là, c'est vous qui êtes debout. C'est plus facile, mais c'est comme ça que ça se passe. L'humain ne paye plus. Il ne paye plus. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus un payeur. Le payeur, prieur ou payeur, mais il ne donne plus. Il prend. Alors, à un moment donné, tu cesses d'évoluer, tu cesses de souffrir ou tu cesses de souffrir. Pour cela, là, il y a la petite courbe ici. La petite courbe, il dit, on est toujours proche. On abandonne juste avant. Puis il y en a qui arrivent en haut et qui se disent, ah, je vois tout, qui arrête là. Descends en bas, descends en bas, j'assieds. Ils ont vu. Ils peuvent vous en parler de ce qu'ils ont vu. Ils ne peuvent pas y retourner. Ils ont trop de bagages, trop pesant. Plus on arrive en haut, vous voulez cesser de se blesser, vous voulez traverser pour avoir la paix, ça se fait. Quand on va arriver presque en haut, abandonnez votre sac à dos, votre peau, vos mémoires, vos traditions, vos explications, vos béquilles, vos chaises roulantes. Abandonnez tout ça. Il ne restera rien. T'es peurant en maudit, parce que quand il reste plus rien, on est comme un ballon. Quand on a tout jeté le lait, on part. Mais là, on va plus haut qu'on n'a jamais été. Il n'y a personne pour nous dire ce qui se passe et qu'est-ce que c'est. On est seul et unique là. On devient intelligent, on n'est pas intelligent, on gagne. On est intelligent seul. Alors l'ego, le cave, lui, c'est de la mémoire. Puis il y a encore des morceaux. Perd la mémoire. Alors, chaque fois qu'il va voir un paysage neuf, il ne peut plus l'expliquer en fonction de ce qu'il a appris. Il ne peut plus. Parce que ça n'a jamais été vu par les explicateurs du passé. Il ne peut pas. Dans le passé, on a écrit des livres sacrés. Aujourd'hui, si quelqu'un en écrit un, on crache dessus. Parce que faut qu'il date de quelques milliers d'années pour avoir de l'allure. Parce que dans le passé, ça va mieux que nous autres. C'est pour ça qu'ils ont fait des guerres, c'est pour ça qu'ils nous ont engendrés aujourd'hui. Ils ne savaient pas plus. L'être humain qui veut traverser doit abandonner son sac à dos. Simple. Ça veut dire des fois tout. Tout, sauf une chose, la vie. Celui qui abandonne la vie s'en va dans le désordre total, le monde de la mort. C'est pas en place. On reste ici. Oh, après ça, il va revenir, il n'est pas perdu, mais c'est à peine de temps qu'on avance. Pas pour rien, on est ici. Il en manque, il y a de... Lâchez-en un peu. Lâchez-en un peu. Ça dépend des individus, mais ne copiez jamais personne. J'en connais un, moi, pour traverser, il a lâché son emploi. Il fallait qu'il prenne du temps. Il a fait le tour de la Terre. Il a muté. Ah, il y a encore une autre étape, il y a encore une... OK, mais il s'est transformé. Là, quelqu'un va dire, ah bon, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est moi faire. Mais non, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça que lui, il fallait qu'il fasse. À un moment donné, vous devez faire ce que vous devez faire. Si vous me dites, qu'est-ce que je dois faire, on vous répond, faites-le. Il n'y a rien d'autre à vous dire. Je ne suis pas un consultant. Question. Ça va bien avec le reste. Je suis écœuré de vivre cette vie. Je ne sais ce que je dois payer et pour qui je dois le payer. Pourquoi vivre si je dois payer toute ma vie? Personne qui meurt, elle meurt. Elle va dans le monde de la mort, elle est dans le monde de la mort, c'est ce que les théologies disent, vous allez rejoindre ceux que vous avez connus pour l'éternité. Bon. Alors, vous êtes digéré totalement, fusionné avec ça, puis quand vous revenez, vous êtes un mélange d'un paquet de personnes qui ont vécu dans le passé, ce qui fait que vous ne vous rappelez absolument pas qui vous étiez. Bon. J'explique plus ça dans le séminaire, on a fait juste quelques heures à jaser, là, mais donc, en tout cas, on résume. L'individu, donc, qui est dans sa vie, c'est évident qu'elle paye pour qui? Elle paye pour qui? Karma. Karma collectif. Ah oui, pas le choix. On paye pour tout le monde. Vous sortez d'ici ce soir, il y a une automobile qui vous rentre dedans, le gars a bu. C'est un karma collectif. Qu'est-ce que vous payez? Oh, rien. Ben, vous payez un karma social. Mais vous, personnellement, rien. Madame qui se fait violer dans un coin de rue, elle paye quoi, elle? Elle paye un karma collectif. Elle vient atténuer un peu, on en parle d'un journaux, puis il y a pas tellement de monde qui se révolte, ça purge un peu. Mais elle n'avait rien à voir là-dedans. Elle ne regarde pas. Le gars se ramasse en prison pour viol, ça ne regarde pas non plus. C'est le principe qu'on met en prison. C'est toute la cochonnerie qu'on a accumulée qu'un gars, trop faible, a fini par exprimer. Puis la femme a passé par là, elle a passé par là. Le gars a besoin d'un corps physique et ça, c'est dessus. Mais les deux, ça ne les regarde pas. Oh, je sais, ils payent. Mais pas du point de vue individuel. Cherchez pas qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu ou à ce que vous voudrez. Pas rien fait. Pas rien fait. Fallait quelqu'un. Fallait quelqu'un. Quelqu'un. Vous avez un enfant handicapé. Un enfant handicapé, c'est un karma collectif qui paye. Tout. Tellement collectif que la société va s'en occuper. L'alcoolique paye un karma collectif. La société s'en occupe. Karma collectif. Mais lui, personnellement, non, il a, c'est non. Je le regarde pas. C'est con. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on change les choses depuis un moment donné. Pour qui je dois le payer? Pour l'esprit. J'ai expliqué, on évolue. Je suis écœuré de vivre cette vie. C'est faux. Je ne suis pas écœuré de vivre cette vie. Non. J'en ai connu des gens écœurés, ils ont changé leur vie. Vous n'êtes pas écœuré. Il y en a qui se suicident. Ils ne sont pas écœurés de la vivre, leur vie. Ils vivent une vie de décadence, de suicidaire, de paniqué, de névrosé, puis tout ça. Puis ils la terminent selon l'archétype standard. Selon la normalité, ils sont symptomatisables, on le sait. Ils n'échappent à rien, eux autres. Première chose, il faut être marginal. Être écœuré de la vie, ce n'est pas marginal, c'est normal. Être écœuré d'être écœuré, c'est marginal. Là, on est proche de s'en sortir. Et des colères mentales doivent être. Il y a un paquet de choses qui peuvent être faites. Mais l'individu, comme moi, bon. Tout à l'heure, j'apprends qu'il y a une personnalité qui va m'inviter à la radio pour parler de l'enfant Teflon. Elle l'annonce aujourd'hui. Je suis bien content que le public me le dise. J'aurais pu manquer l'entrevue. Parce que moi, je suis pas au courant encore. Là, l'individu, moi, je peux me poser la question, pourquoi ça m'arrive, ça? Donnez-moi un enjeu tous les deux. On invite des psychologues pour venir parler du suicide chez le jeune, qui viennent nous dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. On invite des médecins pour parler des enfants hyperactifs, qui viennent nous dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. On invite... Moi, je le sais! J'ai écrit des livres! On m'invite pas. Pourquoi? Bon, personnellement, je m'en fous. Je trouve ça con. Qu'est-ce que j'ai à payer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ci? Pourquoi que ça? Pourquoi que ça? La question que je peux me poser, est-ce que c'est moi qui dois payer quelque chose ou si c'est les parents et les jeunes? C'est pour ça qu'on ne m'invite pas. Il faut voir la vie d'une façon bien différente. Ceux qui souffraient là, et qui sont écœurés de payer pour d'autres, c'est évident que de toute manière, on paye pour ce qui ne nous regarde pas. Ça, c'est évident. Vous n'avez pas la face que vous vouliez avoir, vous n'avez pas le nez que vous aimez avoir, vous n'avez pas les fesses que vous voulez, vous n'avez pas les vêtements, l'auto, l'enfant, la maison, le parent, tout. On s'habitue, on s'adapte. Mais on veut, on n'est pas satisfait, hein? On veut changer, on veut continuer, donc on n'a pas ce qu'on veut. Il faut qu'on cesse de se leurrer, on paye. Ça ne nous regarde pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que si un jour vous perdez un bras, chialez pas, ça ne vous regarde pas. Ouais, mais c'est mon bras! Montre-moi-les. Je l'ai plus! C'est pas ton bras. C'est de la chair. De la terre. C'est évident que, égoïquement, astralement, avec les mémoires que vous avez, vous allez souffrir d'avoir un bras en moins. Mais en réalité, c'est rien passé non plus. On devrait tout naître avec trois bras, nous en manque tout un. On s'est habitué. On en a deux. On se plaint pas. Mais si tout le monde aurait trois bras, on se plaignera en maudit, nous autres, la gang ici. Là. Ce soir, ça serait l'association des deux bras. Puis on se plaignerait des droits qu'on n'a pas. Le pouce, il serait où, au milieu? Ça dépend. Ça va être qu'on mettrait le bras. Là, on pourrait se dire, ben, c'est en trois bras, il leur faut trois mitaines, trois poches, il leur faut, bon. Ils ont un site économique. Moins d'ongles à couper. Bon. On peut s'en trouver des raisons. L'idée, simplement, c'est que c'est évident que si on vit avec l'idée que s'il se passe de quoi sur vous, sachez que ça ne vous regarde pas. Soyez écœurés! Soyez en beau ce que vous voudrez! Ah oui, réveillez-vous, gueulez! Pas parce que vous êtes tanné. Pas pour ça. C'est là qu'on se fait avoir. Gueulez parce que c'est absurde que ça vous arrive. Gueulez parce qu'on se trompe de personne. Pas moi qui aurais dû tomber, c'est l'autre. Là, on va dire, oui, mais c'est pas altruiste, ça, c'est pas correct, ça. Qui c'est qui parle d'altruisme? Qui c'est qui parle des autres? Les dieux? Qui se foutent de vous? Qui vous font tomber? Qui vous crèvent un œil? Les autres qui parlent d'altruisme? C'est les gourous, c'est les maîtres, c'est les prêtres? Faites tomber un autre. Il y en a un qui doit tomber. Il va tomber. C'est pas vous, tant mieux. Sinon, regardez ceci. C'est absolument frustrant, ces chiens. C'est dommage, là, mais c'est ça. Dans une famille, il y a 5 enfants. Et habituellement, on peut constater qu'il y en a un qui est plus brillant que la gang. Oui, la gang supporte le karma négatif de la famille pour permettre à celui-là d'être plus brillant. Il est plus brillant parce qu'il est plus brillant que les autres sont moins. Ça marche comme ça. Il y a des exceptions. Oh. Dans le reste de la famille, s'il ne saigne brillant là, le reste n'est pas fort. Il y a aussi d'autres choses. Pour que notre peuple soit civilisé comme il l'est, il faut qu'il y ait du monde sur la planète Terre qui paye pour. Il ne souffre pas plus que vous. Mais il paye pour. C'est comme ça que ça marche. Alors, si je dois rester debout, il faudra que si quelqu'un doit tomber, que ce soit un autre. Sinon, tomber. Combien de personnes ont des relations homosexuelles, disons, avec des mineurs? Ben, il y en a qui a voulu aider l'humain, qui a voulu supporter l'humain, qui a voulu donner de l'énergie, de l'amour à l'humain, puis qui en a empêché un mot du paquet de se suicider, de se droguer. Présentement, il est en cours. Devant tout le monde, il paye. Il a voulu organiser l'humain. Il paye pour. On sait c'est qui. Il supporte sa croix. C'est quand? Et là, son il dit, c'est lui qui dit, qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour? Ben rien de tout fait ce qu'il voulait. Mais il y a une chose. T'es-tu assez malheureux? Fallait que tu sécrètes, fallait que tu émettes de l'énergie. Les dieux ont besoin aussi du malheur de l'homme. Fait que là, présentement, ben, il doit remettre ses affaires en question. Il y a une chose qu'il va se faire avec. C'est plus que le bonhomme a évolué, il fallait qu'il souffre. Il évolue, puis maintenant, dans son évolution, il faut qu'il perde une forme. Il faut qu'on brise quelque chose chez lui, qu'on crée un choc. Il faut qu'il se rende compte qu'une partie de ce qui compte, on va être des hyper-expressifs. On va être des animatifs. On s'ennuiera plus. On n'aimera pas comme les autres. On ne sera pas jaloux. On va être libre. On va libérer les autres. On va être teflon. On va vouloir nous soigner. Ceux qui vont trop s'approcher de vous autres pour vous soigner à cette époque-là, il y en a qui vont se mettre à boire. Il y en a qui vont se faire droguer. Il y en a qui vont se suicider. Il y en a qui vont devenir malades. Vont devenir intelligents. Vous ne pourrez pas y échapper. Quelqu'un qui s'approche de vous pour vous ramener à ce que vous étiez, c'est beau d'être diplomate, c'est-à-dire d'être hypocrite, mais à un moment donné, il devient un têteux, un vampire. Plus ça va, plus ça vampire. Puis on doit le rejeter. Et là, il va tout vous mettre sur le dos. Ça fait partie de la violence non-violente, comme Gandhi a fait. Je meurs à cause des Anglais. Tu meurs parce que tu manges pas. Mais les Anglais étant des animaux humains normaux, ben, ils ont accepté de payer, de souffrir, puis ils ont souffert tellement qu'ils ont fini par tirer. Margaret Thatcher n'est pas la même. Quand ils ont recommencé à faire ça, à un moment donné, il y a eu en Iran, en Iran, en Irlande, il y a eu des gens qui ont commencé à jeûner pour se libérer de prison. Ils sont morts. Ils sont rentrés dans une école élémentaire à un moment donné, puis ils ont massacré à moitié des enfants à coups de mitraillette. Ils ont pris le reste en otage. Ils se sont fait arrêter. Ils ont fait un jeûne pour être libérés, prisonniers politiques. La politique de l'Angleterre n'était pas la même. Ils se sont libérés. Ils ont rejoint leur maître. Serait-il dangereux que toute la planète prenne soudainement conscience que personne n'a de mérite ou de culpabilité parce qu'on n'a aucun libre arbitre? Si un jour toute la planète prend conscience de ça, de le savoir instantanément, vous allez entendre rire partout. L'humain va être libéré. Totalement libre. Il va être libéré à un point tel qu'il va commencer à rire de l'évolution. Moi, je m'amuse. Je m'amuse comme un bon. Du plaisir. C'est con, c'est absurde, c'est stupide. Je sais que ça va finir. Parce qu'à un moment donné, la vie va aller chercher ceux qui sont plus enclins à attirer ces malheurs-là. Alors ça m'amuse de voir la puissance et de voir l'absurdité dans l'intelligence, l'intelligence dans l'absurdité de tout ce qui arrive. C'est original, c'est comique. Il y en a ici qui savent des choses, puis qui se disent « Oui, mais je le sais, mais j'arrive pas à le faire. » Tu trouves pas ça drôle? Moi, je trouve ça drôle. Comique! Là, je sais ce soir que je me couche à 10 heures, je suis fatigué. 10h05. La télévision, c'est bon. Je vais me coucher. Je ne suis pas capable d'y aller. Elle est comique, comme vous dites. Faut que j'y aille. comique. Je m'amuse. Oh, je suis pogné encore, mais libre, je ne souffre pas. Je suis encore pogné, là. Comme l'autre qui est là. Puis je t'en rends pas compte, puis qu'après ça, il va se sacrer. Moi, je suis là, puis je me dis, faut que j'y aille. Je viens de me lever, là. Les forces, c'est mieux. La bonne femme, les enfants. Moi, il faut me couper. Je sais. Là, là, un caf me dit, tu manques de volonté. Non, parce que le paresseux, il a la volonté de rien faire. Le travailleur, il a la volonté de travailler. Il n'y a pas un travailleur qui est capable de rien faire, il n'y a pas assez de volonté pour rien faire. Bon. Il n'y a pas un non-fumeur qui a la volonté de fumer. Hé, hey, j'en prends la volonté pour fumer. Demandez ça à un non-fumeur. Tu allumes un petit bout de papier du poing dedans, là. Fais ça dans ta bouche. Tu mets le feu après. Demandez ça à un non-fumeur, il n'y a pas la volonté de le faire. Demandez à un fumeur d'arrêter pour la volonté d'arrêter. C'est la manipulation. Pas question de volonté, merde, il question de manipuler. Alors moi, je suis assis, puis là, je vais me lever, puis je me tords, puis je me lève, puis je m'en vais, puis je sais pas trop, puis je reviens. Là, je me couche, puis j'entends ça, puis je sais pas, je ne m'endors plus, puis... C'est ça, être manipulé. Imaginez-vous pas que je m'amuse pas. Vous devriez vous amuser, vous autres aussi. On est deux dans un corps. Puis là, il y en a un là-dedans, là, lui, là, qui est tout à fait pogné, puis il y a moi qui commence à voir. C'est évident que ça écœure, mais il ne faut pas que ça m'écœure émotivement. Il ne faut pas que ce soit le cave qui s'écœure suite à l'information que mon mental lui envoie. Non. Moi, je ne m'écœure pas, je tolère, je n'ai pas le choix pour l'instant. Mon corps physique, il écoute la télévision. Bon, mon mental, il est dedans, mais il écoute la télévision lui avec. Pas le choix. À un moment donné, il se lève, ça va se coucher quand il ne peut plus écouter la télévision. Quand ça ferme tout seul, quand les portes du magasin se ferment, il va se coucher. Puis là, ça vient dans sa tête, continue à penser. Puis moi, je veux dormir. Le corps a besoin de dormir. Ça pense dans ma tête. Là, ça m'explique, oui, il faut que tu dormes. C'est important que tu dormes, là. Compte des moutons, t'as fait dormir, c'est contre des moutons, là. Ah oui, ferme tes regards. Tourne tout sur le côté, t'as dormi bien mieux de même, là. C'est pas, c'est quoi la technique pour dormir qui va à la télévision, là? Puis là, ça pense dans ma tête, je me fais dormir, là. Une heure après, je dors toujours pas. Puis quand j'ai tout oublié ça, quand la pensée s'est retirée, je dors. Il y a un bout de chemin à faire. Il y a un bout de chemin de fait. On est deux. Il faut rire. Il faut s'amuser un peu. Vous ne gagnerez pas tout de suite. En sortant, il y en a un qui peut s'enfarger, tomber dans un banc de neige ou dans un banc de cloche. C'est comique, la preuve. Regardez les autres à côté. C'est comique. Il y a un seul cave qui ne rit pas, celui qui se prend au sérieux, qui est là et qui se dit... Ça se fait tout mouiller pareil. C'est dans un corps physique qui vient de tomber dans de la gadoue. Lève-toi, secoue-toi, puis va-t'en. Dans 2 ans, tu te rappelleras même pas de ça. Ça vaut-tu la peine de perdre ton temps et de ta vie pour ça? Je le dis souvent en séminariste, investissez dans le long terme. Qu'est-ce qui reste de toutes vos conneries du passé? Rien sauf vous. Dans quoi vous avez investi? Dans vous, les conneries? Et quand on chiale, puis quand on broute, puis quand on... Non. Pas de les barbites, c'est évident. Pas pour l'instant, il y aura une liberté. On va en parler d'une prochaine conférence, il y a une liberté. Après, les cœurs minces passent bien les choses. Et tant qu'on est un animal humain, c'est-à-dire qu'on est un gueulard quand il pleut, puis qu'on brite parce qu'il fait chaud, puis qu'on chiale parce qu'il fait froid, etc. Tu sais, quand on... Là, non, là, il y a encore du chemin à faire, mais ça se fait. Si nous nous dissocions des effets négatifs de l'évolution, le prédateur va-t-il essayer de se venger et de nous rattraper d'une autre façon, vu que nous sommes sans défense? Comment se défendre? Si nous nous dissocions des effets négatifs de l'évolution, donc si nous cessons d'être ce que l'humain se vante tant d'être, un être émotif, un être qui est compatissant, qui aime souffrir pour autrui, etc. Est-ce que le prédateur va essayer de se venger? Oui. C'est bien plate l'évolution, mais il faut qu'on s'ouvre les yeux, c'est comme ça, on va arriver à le comprendre. Si on a les yeux fermés, ça marche pareil, ça se passe comme ça. Quand on le voit, ben, ça ne change rien pour l'instant, mais à un moment donné, on va s'en sortir. Commencez à évoluer, on vous tape dedans. Souffrez pas plus. Quand vous devenez plus puissant, on vous tape dedans. Vous souffrez moins. Mais on tape dans vos enfants, dans vos parents. On tape dans les autres à côté. Bang! Les autres, là, ils vont souffrir en masse, ça risque de vous occuper assez pour vous ramener. C'est pour ça qui arrive. On sait que dans l'histoire, les grands initiés avaient ni enfants, ni femmes, ni mari, ni famille. pas le tapis dedans. Pourquoi le tapis? Je rencontre quelqu'un, il se fait tuer. Paf! Je continue de le ramener. Fait que ce qui arrive, le prédateur cesse de tuer des éléments dont il se sert pour se nourrir énergétiquement, émotivement, parce qu'il tue pour rien. La meilleure garantie qu'il n'arrivera rien à votre famille, par rapport à vous, c'est que ça ne vous dérange pas qu'il leur arrive de quoi. Mais être bien attaché à quelqu'un, bien dangereux pour lui. Parce que si on veut vous bloquer, on a la clé dessus. Votre talon d'Achille, c'est ce que vous avez. Facile. Quand on devient suffisamment dissocié des assujettis de cette forme d'évolution, on tape un peu dans l'entourage, ça fait rien. Après ça, on ne tape plus nulle part. Vous n'êtes plus une proie. Vous êtes un arbre pour le lion. Vous êtes une roche pour la vache. Puis vous êtes un homme pour la plante. Alors, vous n'êtes plus une proie, plus personne, plus rien peut se nourrir de vous. Mais vous restez un prédateur, vous, ce qui est normal, vous allez informer le reste. Vous allez manger l'herbe pour la transformer en viande. Vous allez manger l'herbivore pour le transformer en cerveau. Les animaux, les carnassiers sont les plus intelligents. Les peuples végétariens sont les peuples qui végétariens, sont les peuples qu'on colonise. Ce sont des peuples dominés. Les carnassiers et les carnivores sont des peuples dominants. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer à être un prédateur. Mais on ne sera plus une proie. Ça change tout. Et là, l'humain qui va dire, oui, mais je ne veux pas prédater, moi. Je ne veux pas manger le beau brin d'herbe. Je ne veux pas manger la belle fleur, la belle pomme. Je ne veux pas manger la belle vache, le beau poulet. Je ne veux pas manger la belle noix. Je ne veux pas manger... Ben, c'est ça. Mal. Puis si je te dis, pourquoi tu ne veux pas les manger? Ben, parce que je ne veux pas les tuer. Mais ben, si tu meurs, t'en tues un, mon petit. Puis les autres, ils vont te manger. Ils vont voir, ça pourrir vite. Le système de prédation. Alors, il faut qu'on devienne un prédateur, mais plus une proie. Tandis que présentement, on est prédateur et proie. Puis on prédate pour ne pas être une proie. C'est souffrant. La manipulation astrale est utile s'il n'y a pas d'intelligence qui s'exprime. Qu'est-ce qui déclenche le début de cette expression d'intelligence? Qu'est-ce qui m'a placé sous cet endroit, à ce moment, pour évoluer consciemment? L'intelligence descend à travers les corps physiques, à travers le système cérébral, le système endocrinien. L'intelligence rend l'humain intelligent. En le rendant intelligent, il change sa forme de constitution atomique. Je passe des petits détails, mais il change sa gravité. Changeant sa gravité, l'être humain est attiré par d'autres forces. Donc, il se dirige toujours là où il a besoin d'aller. Celui qui a besoin d'une religion finit par tomber dans une religion. Celui qui a besoin d'intelligence tombe là où il y a quelque chose d'intelligent. Celui qui a besoin de ceci va là où il y a ceci. Qu'est-ce qu'il manipule? Ça reste un phénomène simplement mécanique. On est attiré par ce qui va, par où ça peut aller, par où on peut aller. C'est évident que Daniel Kim, lorsqu'il fait des conférences, il n'y a pas énormément de public, pas encore. Pourquoi? Parce que les individus se font tellement taper dedans pour savoir s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas, que finalement, l'heure est passée. Bon, il y en a énormément qui ne savent jamais, qui ne savent jamais. Il y en a plein qui s'inscrivent à des séminaires, puis quand ils viennent au séminaire, ils me disent « ça fait deux jours là, que je ne sais plus ». Bien, c'est évident. On travaille contre la désorganisation, contre l'inintelligence. Mais l'être humain est investi d'inintelligence, de désorganisation. C'est ça qu'il manipule, c'est ça qui lui fait faire un paquet de choses que l'intelligence voit comme étant inécologique. C'est pas ça l'inintelligence culpabilise, regrette. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui m'a envoyé sous cet endroit? Ben, c'est vous, c'est votre intelligence qui vous attire là où il y en a, ou là où vous pouvez comprendre des choses. C'est simple. La manipulation astrale est utile, oui. Quand l'intelligence commence à s'exprimer, elle s'exprime au travers de l'homme, et elle commence simplement par faire voir à l'homme des choses. Ça ne change pas la vie de l'homme. Pas tout de suite. Avant de sortir dehors, la première fois qu'on vous montre l'extérieur, vous passez 25 ans de votre vie dans une cabane, avec des volets métalliques fermés sur les fenêtres, vous ne voyez rien dehors. Mais on vous dit aller dehors. Je ne voulais pas y aller dehors. On commence par ouvrir un petit peu la lumière rentre, là, vos yeux, là, ça sent bon. Mais oui, mais c'est ça qui se passe. Ça ne change rien. Votre vie, vous êtes dans la cabane pareil, mais vous allez commencer à voir de la lumière. Parce que vous allez voir du gazon, vous allez voir du soleil, vous allez voir des oiseaux, vous allez avoir peur. Mais vous êtes encore dedans, ça n'a rien changé. Vous voyez plus. La journée que vous voyez suffisamment, vous allez vouloir traverser la vitre, est incassable, ça ne marche pas. Mais là, vous allez commencer à être écœuré. Parce que là, vous voyez ce que vous pouvez avoir accès, puis vous voyez que ça ne peut vous niaiser, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et à un moment donné, vous allez finir par trouver une porte. À un moment donné, il y a un bourdon qui est rentré dans un bateau. Il est venu s'atterrir sur une table, sur le carré. Il y avait un capitaine, là, qui regardait ça. Il y avait un enfant, qui s'appelait Sibylaine. Puis là, le bourdon, il marche sur la table. Puis là, le bonhomme, il dit à l'enfant, il dit, toi, le bourdon, il est comme toi puis moi dans le monde, libre. Mais il ne sait pas que l'espace libre qui l'entoure est restreint. Là, le bourdon décolle. Il se frappe sur un mur. Tabarnouche! Tombe à terre. Ah là, il se lève. Ah là, il rentre. Bang, des murs. Bang, des murs. Boudon, là, le bourdon le sait, il veut sortir. Le bonhomme, il dit à Samuel, et tu vois, il y a une porte, là. C'est si simple de sortir par la porte. Mais lui, il sentait qu'il voulait traverser le mur. C'est la panique. À un moment donné, le bourdon revient. Après s'être assommé plusieurs fois, il atterrit sur la table. Il marche un peu. Il attaque. Il repère la lumière. Direct, il sort. C'est plus le mode de marcher. Mais il y a un problème. L'humain est impatient. Ah, il se garoche. Il se garoche tout partout. Allez-y avec intelligence. Si je vous dis, moi, de faire ceci, faites-le pas si ça ne vous va pas. D'ailleurs, je ne dis jamais quoi faire. Ça frustre aussi des gens. Ah, mais tu devrais nous le dire. Non, je ne vous le dis pas. Si je vous le dis, vous allez apprendre. Si vous le découvrez, vous allez comprendre. C'est plus souffrant. OK. Mais quand ça va vous appartenir, ça va vous appartenir. Si je vous le dis, ça va toujours m'appartenir. Ça aura toujours besoin de moi. Imaginez-vous bien que je ne fais pas des conférences toute ma vie. Alors, vous ne mourrez pas tout le temps. Alors, vous devez, le bourdon doit faire son chemin. Le bonhomme qui le prend, qu'il sort. Quand le bourdon va rentrer dans une autre cabane, il va être encore temps. L'humain, présentement, est proche de sortir. Il est sur la table. Il y a beaucoup d'humains qui sont sur la table. Ils voient de la lumière. Mais ce qu'il voit, c'est la lumière qui est réfléchie sur le panneau. Elle garoche. Bang! Ah, c'était faux! C'était pas vrai! J'ai essayé! C'est pas fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas sorti. Si ce n'est pas moi qui pense ou réfléchis, serait-il mieux de se parler à haute voix? On peut se parler dans sa tête. On peut se parler à haute voix, mais c'est évident que la parole est mauditement plus puissante que la pensée. La pensée, ça ne fait pas bouger une feuille, ça ne fait même pas bouger votre doigt, la pensée. Quand on lève la main, ce n'est pas parce qu'on pense. Concentrez votre pensée, faire lever la main, elle ne se lèvera pas la main. Vous la levez, c'est autre chose, vous ne pensez pas à la lever. Quand vous marchez, vous ne pensez pas à contracter les muscles, vous ne pensez pas à marcher. Quand vous voulez un bonbon, vous ne pensez pas à tout contrôler, vous prenez un bonbon. Toute la vie comme ça. Mais parce qu'on s'imagine que c'est la pensée. Quand ma main part prendre le bonbon, ma pensée a dit, tiens, va prendre un bonbon. Fait que là, je pense que c'est ma pensée qui bouge ma main, à côté de la main. Alors, l'être humain, oui, il peut se parler à voix haute, mais sauf qu'il reste encore manipulé, il y a bien des choses qui vont se passer. Une chose certaine, c'est qu'on doit comprendre immédiatement qu'il y a un facteur où on doit monter pour traverser cela, ça va se faire dans la souffrance. Une souffrance qui peut être extrêmement amusante. On est masochiste, bon, on sera masochiste. Mieux vaut être masochiste que schiste tout court. En échange d'une certaine technologie avancée, certains pays ont-ils accepté l'établissement souterrain de bases d'OVNI? Non. Et oui. Dans l'Antiquité, oui. Dans l'actualité, non. Qu'est-ce qui se passe? L'Union soviétique veut se démocratiser. L'Union soviétique a décidé de restreindre son armement militaire. Pourquoi? Pour prendre de l'argent et la foutre dans l'économie industrielle et agriculturelle de l'Union soviétique. Ils veulent améliorer leurs conditions. Ils vont payer le prix. Qui paye le prix? Les pauvres. Combien de tremblements de terre qu'ils ont depuis qu'ils ont décidé de restructurer leur qualité de vie? Puis dans quelle région il y a des tremblements de terre? Ça fait deux de fil assez massifs, mais une région extrêmement pauvre. C'est comme ça que ça marche. C'est plat. Les ovnis, il y a différentes formes d'ovnis. J'ai déjà fait une conférence sur quand les extraterrestres interviendront. Parce qu'il y a des ovnis qui sont extraterrestres, il y a des ovnis qui viennent carrément de l'avenir, donc ce ne sont pas des objets volants non identifiés, mais ce ne sont pas des phénomènes extraterrestres. Il y a des phénomènes astralo-extraterrestres, il y a des phénomènes extraterrestres, comme la conscience pure mentale est extraterrestre, mais ça ne vient pas dans des corps physiques ou dans des vaisseaux spatiaux, comme on le pense. Alors, à sa question, oui dans le passé, non aujourd'hui. Explique le double luciférien et le double universel. J'ai une autre question. Le double luciférien, c'est la correspondance personnalisée de ce qui oblige l'humain à se rappeler qu'il est d'essence lumineuse, donc qu'il doit avancer. Et cela fait en sorte que l'humain, dans un corps de matière, ne reste pas matière. Maintenant, la puissance du double luciférien est telle que l'humain partirait comme une flèche. Alors, on a placé à l'époque, c'est un phénomène espritique, on a placé à l'époque de la création de l'humain luciférien, l'âme, on a placé un phénomène satanéen qui, lui, est un enclume qui oblige l'humain à jouir de la matière, ce qui fait que l'humain reste attaché à la matière, donc a peur de la mort, ne veut pas quitter la matière, la vie. En même temps, il ne tombe pas dans la jouissance unique de la matière, ce n'est pas un objet. Il a toujours l'essence de vouloir, c'est le phénomène luciférien. Le double universel, c'est la globalité. Lucifer est un porteur de lumière en termes étymologiques. Le double universel est un phénomène qui est luciférien aussi, qui fait référence à ce qui reste de Lucifer, ou qui fait référence aux mécanicités qui, séparées de Lucifer primordial, le reste aujourd'hui, mécanicité michaélienne, donc nazaréenne, donc christique. Alors, le double universel est finalement la quantité d'énergie qui reste à descendre dans l'homme, alors que le double luciférien est la quantité d'énergie déjà assimilée par l'homme. Voilà. Est-il vrai qu'Abraham aurait abandonné sa femme et son fils dans le désert? Non. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le fils et la femme d'Abraham ont cessé de suivre. C'est pas lui qui les a abandonnés. Non, il était manipulé. Quelle serait la crédibilité de l'astrologue américaine Lynn Palmer, dont Mme Nancy Reagan aurait consulté? Explique, s'il vous plaît. L'astrologue s'adresse à ceux qui sont régis par les astres. Hein? Bon. Et puis, ce serait long à expliquer. Le phénomène des paliers mobiles, etc., au niveau des plans de l'astral qui sont attirés par les phénomènes planétaires. Mais une chose certaine, c'est que quand on se fie aux astres, quand on se fie aux médiums, quand on se fie aux devins, quand on se fie aux dieux, quand on se fie au monde de la mort, quand on se fie à tous ces genres de choses-là, on peut être sûr qu'ils vont nous donner une bonne réponse, une autre bonne réponse, puis la troisième, ils vont nous envoyer dans le trou loin. Oh. Ça nous fait toujours confiance. Ça gagne notre confiance. Après ça, ça nous ramasse par les dégâts. Celui qui souffre du cancer, à quelle évolution sert-il pour lui et pour son entourage? Comment réagir dans la présence de cette personne? Quel langage doit-on se servir dans sa présence? Quel langage? Bon. Soyez donc vous-même, parlez donc votre langage. Si celui qui est cancéreux ne peut pas vous sentir, parlez-y plus. S'il peut vous sentir, tant mieux. Cessons de toujours s'ajuster. Celui qui souffre du cancer ne souffre pas du cancer. Le corps physique est présentement en mutation. Il essaie d'engendrer des nouvelles structures. Celui qui évolue est beaucoup plus sujet au cancer. Pour la faible raison, son corps physique cellularisant l'information mutant. À un moment donné, il y a des phénomènes qui sont un petit peu croches qui se font parce que le corps de l'homme n'est pas encore assez en bon état vital. Celui donc qui vit, qui a le cancer, peut s'en sortir, peut ne pas s'en sortir. Si le corps physique est cancéreux, ce n'est pas l'humain. Comment réagir en sa présence? Bien, s'il y a le cancer, il y a le cancer. S'il ne l'a pas, il ne l'a pas. S'il est extrêmement démoralisé, ben dites-lui de cesser de se démoraliser. Dites-lui pas qu'il n'y a pas de libre-arbitre, ça ne le regarde pas. Il risque de ne pas comprendre. T'as le cancer, là, mais ça ne regarde pas, ça. Ben, cesse d'en parler, là. Enfin, ben, je vais mourir, oui, ça va mourir. On va tous mourir. Ça ne regarde pas non plus, ça. C'est vrai. Un enfant qui est leucémique, j'en ai connu, je travaillais avec des enfants qui sont leucémiques, ils s'en font pas avec ça. Les parents s'en font avec ça. Les thérapeutes s'occupent des adultes, pas de l'enfant. L'enfant, il s'en fait pas avec ça. Il est pas content, il trouve ça niaiseux, mais il n'en souffre pas. Il peut souffrir physiquement, mais pas psychologiquement, sauf s'il est rendu assez âgé et qu'on l'a éduqué à souffrir. Là, autre chose. Comment réagir en la présence de cette personne? On a déjà posé cette question-là différemment un peu longtemps. Un petit village, tous des blancs, il y a un noir qui arrive, c'est à dire là. Puis on pose la question au psychologue de la place. Comment réagir en sa présence? Il est noir. Bon, est-ce qu'on dit qu'il est noir? Est-ce qu'on fait comme s'il était blanc? Est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on peut toucher? Est-ce qu'on peinture? On réagit comment? Il n'a pas les mêmes yeux que nous autres. Il a les mains blanches, les pieds blancs, mais le reste est tout noir. Il y a une tuque. Même l'été. Il y a une grosse boîte sur l'épaule. Radio. Comment on... Bon, le psychologue, il n'y a rien qu'à dire. Ben, ignorez-le. Ou ben non, non, non, ben faites... parlez pas de ça, là. Parle pas de sa maladie. Soyez donc ce que vous êtes, vous autres. Hein? C'est de toute façon ce que vous allez faire. Fait que cassez-vous pas la tête. Que doit-on faire pour devenir pure énergie et comment savons-nous que nous sommes sur le chemin de cette évolution? La pure énergie, la façon la plus rapide, c'est de s'attacher à une bombe nucléaire. E égale MC2, ça fera pas bébé plus d'énergie vu votre masse, mais en tout cas. Y a-t-il un autre moyen qui est moins radical? Oui. Et comment... Écrire un livre. Savons-nous que nous sommes sur le chemin de cette évolution? On est dans un merdier planétaire. On va s'en sortir. Vous ne saurez jamais si vous êtes sur le bon chemin. Vous saurez quand vous allez vous en être sorti, que vous en êtes sorti. Jamais, jamais, jamais, jamais sur le chemin de l'évolution de l'humain ou sur le chemin de libération de l'humain, on lui donne d'indices. Jamais. On lui met une pancarte des fois. Tombouchou, 2 km. Là, le gars, il marche 2 km. Après 2 km, une pancarte. 2 km de plus que tu pensais. Là, il marche, là, il marche, là, il marche. Là, on dit détour, travaux. Alors, il fait un détour, il se rend compte qu'on l'a fourré, on l'a perdu. Il revient, détour, travaux. Il va, il se casse la gueule, il y avait des travaux. Jamais. Comment moi, je sais que j'ai raison? Je m'en fous. Je me fous de savoir, puis je me fous de savoir si j'ai raison. Vous devez faire la même chose. Soyez donc libre un peu. Une journée, vous allez dire « Dieu existe ». Demain matin, vous dites « Dieu n'existe pas ». Là, on va dire « Vous contredisez ». Je ne contredis pas. Je ne dis pas les deux choses en même temps. J'ai changé d'idée. Ah oui, mais crime, tu nous dis que ça existe, là, on te croit que tu changes d'idée. Ben, tant qu'à me croire, crois-moi encore, change d'idée toi aussi. Ou cesse de me croire. Et c'est pas parce que tu me crois qu'il faut que je devienne gelé comme un bloc de glace puis que je ne change plus d'idée, même si je vois plus clair. Tout le monde, c'est la même chose. Vous parlez à un moment donné, vous-même surtout, il y en a ici là, qui se parlent à eux, puis qui se convertissent, puis qu'après ça, ils se refusent de changer vers le neuf à cause de leur concept. L'évolution, c'est pas ça pantoute. Amusez-vous. Mangez du beurre, c'est bon pour la santé. Après ça, le cholestérol, du gras, les maladies, l'artériosclérose, l'athérosclérose, margarine. Ah, margarine, après ça, margarine verte, bleue, mauve, pleine de produits chimiques, plus margarine. Le beurre, c'est pas cuit. Ah, le beurre, après ça, tu sais plus. Beurre ou margarine ou pain sec, tu sais plus. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Ben, quand j'ai le goût de mettre du beurre, je mets du beurre. Quand il en reste plus, je mets de la margarine. Puis, c'est tout. Je suis bien plus simple. Bien d'autres choses à m'occuper que de savoir si le beurre ou la margarine doit rentrer dans mon système digestif. Comment savoir si on est sur le bon chemin? Vous ne le saurez jamais. Moi, je peux vous dire une chose. C'est que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Ça n'arrangera pas l'ego qui veut savoir. L'humain ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Que doit-on faire pour devenir pure énergie? Brièvement, s'anégoïser totalement, s'animotiver totalement, engendrer un double éthérique, se fusionner au double éthérique. Ça, c'est comme ça. Bon. J'en parle un peu plus souvent, d'autres fois. Là. Quand un être humain est agressé par le bruit ou un autre comportement humain, ce qu'il veut détruire, ce n'est pas l'être, mais le bruit, le comportement. Comment y parvenir et détruire l'agression seulement? Ce que l'humain veut détruire, ce n'est pas le bruit. J'entends un bruit que je me crée sur un tableau. Là. Puis là, là. Puis d'un coup, l'humain qui fait le bruit Je le fais disparaître. Le bruit arrête. Là, je me dis, ce serait bien mieux si l'humain resterait là, mais pas le bruit. Parfait. Mais c'est pas vrai. Si le bruit arrête, puis toutes les sensations restent, ça m'arrange pas, moi, que le bruit soit disparu. C'est comme quand je te donne un coup de poing. Si le coup de poing disparaît, ça règle pas ton problème. Ça fait mal pareil. Ça fait mal pareil. Non, c'est la sensation, c'est ce qui se passe en dedans. Quand quelqu'un bouge, là, une craie, c'est ce qu'il y en a ici quand on, justement, on fait crisser une craie sur un tableau, que ça allait... Ça le met en... Poule. Moi, ça me le fait pas. Alors, est-ce que c'est la craie qui vous fait ça? Ou si c'est votre constitution nerveuse? Par contre, quand je prends une lime à ongles dans mes mains, oh là, ça me le fait. Mais tous ceux qui s'en servent des limes à ongles, oh, pas à côté de moi, parce que là, j'en fais le coq. Mais eux autres, ça ne dérange pas. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Notre constitution. C'est évident qu'en attendant que j'ai une constitution de même puis que le bruit me dérange, il faut que je fasse quelque chose. Faites-le! Et pensez pas que c'est... La seule chose, pensez pas que c'est de sa faute. Quand un enfant est bien achelant, pas de sa faute. Ah, ça veut dire que je ne chicane pas. Non, tu chicanes! Pas de ta faute. Mais restez lucide mentalement. Quand quelqu'un veut m'attaquer, je me défends. C'est pas de sa faute qu'il m'attaque. Je comprends qu'il y a un problème. Il est manipulé. Puis moi, ben, je suis manipulé aussi. Je me défends. Bon. Mais je ne l'haïs pas. Pas de sa faute. Y a-t-il moyen de ne pas vivre l'apocalypse, de ne pas payer ce karma collectif? Absolument. Comment y parvenir? Comment y parvenir? Bon, il y a ceux qui ne sont pas là quand ça va arriver. Ça règle le problème. Mais il y a une raison, une façon plus... Ceux qui vont y être. On revient encore avec la négoïsation, l'animotivité. Cette guerre s'adresse à l'animal humain, si elle a lieu. Il y a des fortes chances qu'elle ait lieu. Les livres d'histoire disent qu'elle a eu lieu vers les années 1999. Mais les historiens se trompent souvent dans les dates. Alors, il y a des humains qui y échappent. Ces humains-là ne sont pas de la race humaine conventionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas concernés par la merde planétaire. Ce sont des humains qui ne se sentent plus concernés par les lois déjà établies. Ce ne sont pas des humains qui font des vols de banque. Ce sont des humains qui ont une conscience neuve. Des humains qui sont prêts à changer les choses avant que les choses viennent les changer. Ce sont des humains qui sont prêts à se lever. J'expliquais dernièrement que si vous êtes tout seul à vous lever, c'est dangereux. Mais organisez-vous pour vous lever en gang. C'est mieux. Pas une gang collective, une gang d'individus. Il y a des humains qui ne vivront pas cet apocalypse. Ils vont vivre. Ils vont traverser. Ils ne vivront pas l'apocalypse. Dans n'importe quelle guerre, il y a des humains qui sont même pas au courant qu'il y a une guerre. Ils le savent par les journaux, ils savent que le pays est envahi, mais ils ne voient jamais rien, ça ne se passe pas là. L'humain qui est assujetti au rôle de l'animal humain va passer par là. Il n'échappera pas. Présentement, c'est un temps de paix souffrant, d'écœurement, de ci, de ça. Profitons-en pour continuer. Quand je m'aperçois que je suis manipulé, c'est que je suis suffisamment mental pour l'observer. Ouais. Suis-je manipulé par une réaction d'ordre supérieur? Exactement, manipulé par ton intelligence. Quand je suis prédaté, comment puis-je m'en sortir? Comment extraire cette manipulation de moi? L'écœurement de l'écœurement. C'est con, mais c'est ça. On habite deux. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'écoute la télévision, je ne veux plus l'écouter, je l'écoute pareil. C'est pas moi. Et non, c'est pas moi. Moi, je veux aller me coucher. Moi, je veux me lever. Moi, je veux rencontrer le patron puis lui dire en pleine face sans transpirer.